Thank you. Thank you.

Tu m'entends à la basse? Pas des basses. Et non. On t'entend pas bien. On t'entend très très bien. C'est ça? Non mais dis-moi. On t'entend bien. Ouais, d'accord. Non mais c'est bien. On peut passer, mais j'ai déjà entendu des morceaux. Non, non. Ok. Alors, le prochain morceau. On va faire un morceau. Voilà. Thank you. Allez, allez, allez.